qui redoute le tout miséricordieux bien qu'il ne le voie pas, et qui vient vers lui avec un cœur porté à l'obéissance.